Ça, c'est parole, c'est l'esna. Fait qu'on pour demander goumen. C'est pas jour pour n'a baye goukou. Pas prend plaisir dans j'aime ça yo. C'est pas habillé tout de blanc ni couché sous yon mot sous ça. C'est pas roulé non sans dit fait. Qui c'est mon j'aime qui fait m'content. Pour nous racher toutes vieilles herbes méchancetés, yo. La suspendre, craponner, frère nous, yo. Marie-Lé, m'attendez-nous. M'habiter l'esprit, nan nous. Tant qu'au soleil, n'a va briller. M'bap suspendre, répondre, prier nous, yo. M'a guérir, m'a délivrer nous. Fon pa krasi kwi yo Nou la pou ede yo Pardonne, pardonne Se pou nou ede yo Se nou vle la priye nou rive Dépense a nan jou jenna Se pa seulement chache Sa ki nan intérieur nou nan jou sa Jen se amande a Se pa sa Bien-aimé, pardonné, bien-aimé, à nous partager, priez pour nous, l'amour pour nous marier, réconciliation n'a pas demandé, l'orgueil pour nous chasser. Sauver la rose. nous prier pour pauvres. Jojana, à nous bailler manger. Jojana, Jojana, l'orgueil pour nous chasser. Jojana, Jojana, l'amour pour nous chercher. Jojana.